chez moi. La misère, la misère qui a brûlé moi. La misère, aïe, la misère, la misère qui a rongé moi. La misère qui a tué moi. La misère, dis maman et moi pas qu'à manger. Moi pas ni assez l'argent pour moi s'acheter plus. De tes filles et un garçon pour soin tous les jours. Aïe la misère, aïe la misère, dis maman et moi pas qu'à manger. Aïe la misère, la misère, la misère. Aïe la misère, maman et moi cap en fer. Aïe la misère, de tes filles pour soin tous les jours. Aïe la misère, anti-bolhomme, sirène compagnie.